Les journaux, distribués par les porteurs, contenaient au Fait Paris ce petit article. La célébration du mariage de Monsieur le comte de Steinbock et de Mademoiselle Hortense Hulot, fille du baron Hulot d'Hervy, conseiller d'État et directeur du ministère de la guerre, nièce de l'illustre comte de Pforzheim, a eu lieu ce matin à Saint-Thomas-d'Aquin. Cette solennité avait attiré beaucoup de monde. On remarquait dans l'assistance quelques-unes de nos célébrités artistiques, Léon Delora, Joseph Bridau, Stidmann, Bixiou, les notabilités de l'administration de la guerre, du Conseil d'État et plusieurs membres des deux chambres, enfin les sommités de l'émigration polonaise, les comtes Patz, Laginski, etc. Monsieur le comte Wenceslas de Steinbock est le petit-neveu du célèbre général de Charles XII, roi de Suède. Le jeune comte, ayant pris part à l'insurrection polonaise, est venu chercher un asile en France, où la juste célébrité de son talent lui a valu des lettres de petite naturalité. Ainsi, malgré la détresse effroyable du baron Hulot d'Hervy, rien de ce qu'exige l'opinion publique ne manqua. Pas même la célébrité donnée par les journaux au mariage de sa fille, dont la célébration fut en tout point semblable à celui de Hulot fils avec Mademoiselle Crevel. Cette fête atténua les propos qui se tenaient sur la situation financière du directeur, de même que la dot donnée à sa fille expliqua la nécessité où il s'était trouvé de recourir au crédit.